Chapitre 14e, 1 contre 3. Quelques jours encore, et nous allions enfin gravir les premières rampes de ces régions septentrionales de l'Inde, qui, d'étage en étage, de colline en colline, de montagne en montagne, vont atteindre les plus hautes altitudes du globe. Jusqu'alors, le sol n'avait subi qu'une dénivellation insensible, sa déclivité ne s'accusait que légèrement, et notre géant d'acier ne semblait même pas s'en apercevoir. Le temps était orageux, pluvieux surtout, mais la température se maintenait à une moyenne supportable. Les chemins n'étaient pas encore mauvais et résistaient bien aux larges jantes des roues du train, si pesant qu'il fût. Lorsque quelque ornière les ravinait trop profondément, un léger coup de la main de Store au régulateur, provoquant une poussée plus violente de l'obéissant fluide, suffisait à passer l'obstacle. La puissance ne manquait pas à notre machine, on le sait, et un quart de tour, imprimé aux valves d'introduction, ajoutait instantanément à sa force effective quelques douzaines de chevaux vapeur. En vérité, nous n'avions jusqu'ici qu'à nous louer aussi bien de ce genre de locomotion que du moteur que Banks avait adopté et du confort de nos maisons roulantes toujours en quête de nouveaux horizons qui se modifiaient incessamment à nos regards. Ce n'était plus en effet cette plaine infinie qui s'étend depuis la vallée du Gange jusque sur les territoires de l'Oud ou de Rohilkhand. Les sommets de l'Himalaya formaient dans le nord une gigantesque bordure contre laquelle venaient buter les nuages chassés par le vent du sud-ouest. Il était encore impossible de bien voir le pittoresque profil d'une chaîne qui se découpait à une moyenne de 8 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais aux approches de la frontière tibétaine, l'aspect du pays devenait plus sauvage et les jungles envahissaient le sol aux dépens des champs cultivés. Aussi, la flore de cette partie du territoire hindou n'était-elle plus la même. Déjà, les palmiers avaient disparu pour faire place à ces magnifiques bananiers, à ces mangues touffus qui fournissent le meilleur fruit de l'Inde, et plus particulièrement au groupe de bambous dont la ramure s'épanouissait en gerbe jusqu'à 100 pieds au-dessus du sol. Là aussi apparaissaient des magnolias aux larges fleurs, qui chargeaient l'air de parfums pénétrants, des érables superbes, des chênes d'espèces variées, des marronniers aux fruits hérissés de pointes comme des oursins de mer, des arbres à caoutchouc dont la sève coulait par leurs veines entr'ouvertes, des pins aux énormes feuilles de l'espèce des pandanus, puis, plus modestes de taille, plus éclatants de couleurs, des géraniums, des rhododendrons, des lauriers, disposés en plates-bandes qui bordaient les routes. Quelques villages avec des huttes en paille ou en bambou, deux ou trois fermes, perdues au milieu des grands arbres, se montraient encore, mais séparés déjà par un plus grand nombre de milles. La population diminuait à l'approche des hautes terres. Sur ces vastes paysages, comme fond de cadre, il faut maintenant étendre un ciel gris et brumeux. J'ajouterais même que la pluie tombait le plus souvent en fortes averses. Pendant 4 jours, du 13 au 17 juin, nous n'eûmes peut-être pas une demi-journée d'accalmie, donc obligation de rester au salon de Steamhouse, nécessité de tromper les longues heures, comme on l'eût fait dans une habitation sédentaire, en fumant, en causant, en jouant au whist. Pendant ce temps, les fusils chômaient, au grand déplaisir du capitaine Hod, mais 2 chelem, qu'il fit dans une seule soirée, lui rendirent sa bonne humeur habituelle. « On peut toujours tuer un tigre, » dit-il, « on ne peut pas toujours faire un chelem. » Il n'y avait rien à répondre à une proposition si juste et si nettement formulée. Le 17 juin, le campement fut dressé près d'un sérail, nom que portent les bungalows spécialement réservés aux voyageurs. Le temps s'était un peu éclairci, et le géant d'acier, qui avait rudement travaillé pendant ces 4 jours, réclamait, sinon quelques repos, du moins quelques soins. On convint donc de passer la demi-journée et la nuit suivante en cet endroit. Le sérail, c'est le caravansérail, l'auberge publique des grandes routes de la péninsule, un quadrilatère de bâtiments peu élevés entourant une cour intérieure et le plus ordinairement surmonté de 4 tourelles d'angle, ce qui lui donne un air tout à fait oriental. Là, dans ces sérails, fonctionne un personnel spécialement affecté au service intérieur, le bisti ou porteur d'eau, le cuisinier, cette providence des voyageurs qui, peu exigeants, savent se contenter d'œufs et de poulets, et le kangsama, c'est-à-dire le fournisseur de vivres avec lequel on peut traiter directement et assez généralement à bas prix. Le gardien du sérail, le péon, est simplement un agent de la très honorable compagnie à laquelle la plupart de ces établissements appartiennent et qu'il est fait inspecter par l'ingénieur en chef du district. Une règle assez bizarre, mais rigoureusement appliquée dans ces établissements est celle-ci. Tout voyageur peut occuper le sérail pendant 24 heures. Dans le cas où il veut y séjourner plus longtemps, il lui faut une permission de l'inspecteur. Faute de cette autorisation, le premier venu, anglais ou hindou, peut exiger qu'il lui cède la place. Il va sans dire que dès que nous fûmes arrivés à notre lieu de halte, le géant d'acier produisit son effet habituel, c'est-à-dire qu'il fut très remarqué, très envié peut-être. Cependant, je dois constater que les hôtes actuels du sérail le regardèrent plutôt avec une sorte de dédain, dédain trop affecté pour être réel. Nous n'avions pas affaire, il est vrai, à de simples mortels, voyageant pour leur commerce ou pour leur plaisir. Il ne s'agissait là ni de quelque officier anglais, regagnant les cantonnements de la frontière népalaise, ni de quelque marchand hindou, conduisant sa caravane vers les steppes de l'Afghanistan, au-delà de Lahore ou de Peshawar. Ce n'était rien moins que le prince Guru Singh en personne, fils d'un raja indépendant de Gujarat, raja lui-même, et qui voyageait en grande pompe dans le nord de la péninsule indienne. Ce prince occupait non seulement les 3 ou 4 salles du sérail, mais encore tous les abords, qui avaient été aménagés de manière à loger les gens de sa suite. Je n'avais pas encore vu de raja en voyage. Aussi, dès que notre halte eut été organisée à 1/4 de mille environ du sérail, dans un site charmant, sur le bord d'un petit cours d'eau et à l'abri de magnifiques pandanus, j'allais, en compagnie du capitaine Hod et de Banks, visiter le campement du prince Guru Singh. Le fils d'un raja qui se déplace ne se déplace pas seul, il s'en faut. S'il est des gens que je n'envie pas, ce sont bien ceux qui ne peuvent remuer une jambe ni faire un pas, sans mettre aussitôt en mouvement quelques centaines d'hommes. Mieux vaut être simple piéton, sac au dos, bâton à la main, fusil à l'épaule, que prince voyageant dans les Indes avec tout le cérémonial que son rang lui impose. « Ce n'est pas un homme qui va d'une ville à l'autre, » me dit Banks, « c'est une bourgade tout entière qui modifie ses coordonnées géographiques. » « J'aime mieux Steamhouse, » répondis-je, « et je ne changerai pas avec ce fils de Raja. »« Et qui sait, » répliqua le capitaine Hod, « si ce prince ne préférait pas notre maison roulante à tout cet encombrant attirail de campagne ?»« Il n'a qu'un mot à dire, » s'écria Banks, « et je lui fabriquerai un palais à vapeur, pourvu qu'il mette le prix. Mais en attendant sa commande, voyons un peu ce campement, s'il en vaut la peine. » La suite du prince ne comprenait pas moins de 500 personnes. Au dehors, sous les grands arbres de la plaine, 200 chariots étaient disposés symétriquement comme les tentes d'un vaste camp. Pour les traîner, les uns avaient des zébus, les autres des buffles, sans compter 3 magnifiques éléphants qui portaient sur leur dos des palanquins de la plus grande richesse, et 20 de ces chameaux, venus des pays à l'ouest de l'Indus, qui s'attellent à la Daumont. Rien ne manquait à cette caravane, ni les musiciens qui charmaient les oreilles de sa hôtesse, ni les bayadères qui enchantaient ses yeux, ni les faiseurs de tours qui amusaient ses loisirs. 300 porteurs et 200 albardiers complétaient ce personnel, dont la solde eût épuisé toute autre bourse que la bourse d'un raja indépendant de l'Inde. Les musiciens, c'étaient des joueurs de tambourin, de cymbales, de tam-tam, appartenant à cette école qui remplace les sons par les bruits, puis des racleurs de guitare et de violon à 4 cordes, dont les instruments n'avaient jamais passé par la main de l'accordeur. Parmi les faiseurs de tours, il y avait quelques-uns de ces sapoilas, ou charmeurs de serpents, qui, par leurs incantations, chassent et attirent les reptiles. Des nuduis, très habiles aux exercices du sabre, des acrobates qui dansent sur la corde lâche, coiffés d'une pyramide de peaux de terre et chaussés de cornes de buffle, et enfin, de ces escamoteurs qui ont le talent de changer en venimeux cobra de vieilles peaux de serpents ou réciproquement au gré du spectateur. Quant aux bayadères, elles appartenaient à la classe de ces jolies bundelis, si recherchées pour les noches ou soirées, dans lesquelles elles remplissent le double rôle de chanteuses et de danseuses. Très décemment vêtues, les unes de mousseline brodée d'or, les autres de jupes plissées et d'écharpes qu'elles déploient dans leurs passes, ces ballerines étaient parées de riches bijoux, bracelets précieux aux bras, bagues d'or aux doigts des pieds et des mains, grelots d'argent à la cheville. Ainsi accoutrées, elles exécutent la fameuse danse des œufs avec une grâce et une adresse véritablement extraordinaires, et j'espère bien qu'il me serait donné de les admirer par invitation spéciale du Raja. Puis, un certain nombre d'hommes, de femmes, d'enfants figuraient je ne sais à quel titre dans le personnel de la caravane. Les hommes étaient drapés dans une longue bande d'étoffe, qu'on appelle dhoti, ou vêtus de la chemise angarka et de la longue robe blanche jama, qui leur faisait un costume très pittoresque. Les femmes portaient le choli, sorte de jaquette à manches courtes, et le sari, l'équivalent du dhoti des hommes, qu'elles enroulent autour de leur taille et dont l'extrémité se rejette coquettement sur leur tête. Ces hindous, étendus sous les arbres, en attendant l'heure du repas, fumaient des cigarettes enveloppées d'une feuille verte où le gargouli, destiné à l'incinération du gurago, sorte de confiture noirâtre qui se compose de tabac, de mélasse et d'opium. D'autres mâchaient ce mélange de feuilles de bétel, de noix d'arec et de chaux éteintes, qui a certainement des propriétés digestives très utiles sous l'ardent climat de l'Inde. Tout ce monde, habitué au mouvement des caravanes, vivait en bon accord et ne montrait d'animation qu'à l'heure des fêtes. On eût dit de ces figurants d'un cortège de théâtre qui retombent dans la plus complète apathie dès qu'ils ne sont plus en scène. Cependant, lorsque nous arrivâmes au campement, ces hindous s'empressèrent de nous adresser quelques salams en s'inclinant jusqu'à terre. La plupart criaient « Sahib, Sahib », ce qui veut dire « Monsieur, Monsieur », et nous leur répondions par des gestes d'amitié. Je l'ai dit, il m'était venu à la pensée que le prince Guru Singh voudrait peut-être donner en notre honneur une de ces fêtes dont les rajas ne sont point avares. La grande cour du bungalow, tout indiqué pour une cérémonie de ce genre, me semblait admirablement appropriée aux danses des bayadères, aux incantations des charmeurs, aux tours des acrobates. J'aurais été ravi, je l'avoue, de pouvoir assister à ce spectacle au milieu d'un sérail, sous l'ombrage de magnifiques arbres, et avec cette mise en scène naturelle qu'eût formé le personnel de la caravane. Cela aurait mieux valu que les planches d'un étroit théâtre, avec ses murailles de toiles peintes, ses bandes de fausses verdures et sa figuration restreinte. Je communiquai ma pensée à mes compagnons qui, tout en partageant ce désir, ne crurent pas à sa réalisation. « Le Raja de Gujarat, me dit Banks, est un indépendant qui s'est à peine soumis après la révolte des Sipaïs, pendant laquelle sa conduite a été au moins louche. Il n'aime point les Anglais et son fils ne fera rien pour nous être agréable. Eh bien, nous nous passerons de ces notches, répondit le capitaine Hood avec un dédaigneux mouvement d'épaule. Il devait en être ainsi, et nous ne fûmes pas même admis à visiter l'intérieur du sérail. Peut-être le prince Guru Singh attendait-il la visite officielle du colonel, mais Sir Edward Munro n'avait rien à demander à ce personnage, il n'en attendait rien, il ne se dérangea pas. Nous revînmes donc au lieu de halte, et nous fîmes honneur à l'excellent dîner que M. Parazar nous servit. Je dois dire que les conserves en formaient le menu principal. Depuis plusieurs jours, la chasse nous avait été interdite pour cause de mauvais temps. Mais notre cuisinier était un habile homme et, sous sa main savante, les viandes et les légumes conservés reprirent leur fraîcheur et leur saveur naturelle. Pendant toute la soirée, et quoi que dit Banks, un sentiment de curiosité me poussant, j'attendis une invitation qui ne vint pas. Le capitaine Hood plaisanta mes goûts pour les ballets en plein air et me soutint même que c'était beaucoup mieux à l'opéra. Je n'en voulus rien croire, mais vu le peu d'amabilité du prince, il me fut impossible de le constater. Le lendemain, 18 juin, tout fut disposé pour que notre départ s'effectuât au lever du jour. À 5 heures, Kalout commença à chauffer. Notre éléphant, qui avait été dételé, se trouvait à une 50aine de pas du train et le mécanicien s'occupait à refaire la provision d'eau. Pendant ce temps, nous nous promenions sur les bords de la petite rivière. 40 minutes plus tard, la chaudière était suffisamment en pression et Storr allait commencer sa manœuvre en arrière lorsqu'un groupe d'hindous s'approcha. Ils étaient là, 5 ou 6, richement vêtus, robes blanches, tuniques de soie, turbans ornés de broderies d'or. Une douzaine de gardes, armés de mousquets et de sabres, les accompagnaient. L'un de ces soldats portait une couronne de feuillage vert, ce qui indiquait la présence de quelques personnages importants. En effet, le personnage important, c'était le prince Guru Singh en personne, un homme de 35 ans environ, l'air hautain, type assez réussi des descendants de ces rajas légendaires, dans les traits duquel se retrouvait le caractère Maharat. Le prince ne daigna même pas s'apercevoir de notre présence. Il fit quelques pas en avant et s'approcha du gigantesque éléphant que la main de Storr allait mettre en marche. Puis, après l'avoir considéré, non sans un certain sentiment de curiosité, quoiqu'il n'en voulût rien laisser voir, « Qui a fait cette machine ?» demanda-t-il à Storr. Le mécanicien montra l'ingénieur qui nous avait rejoint et se tenait à quelques pas. Le prince Guru Singh s'exprimait très facilement en anglais et se retourna vers Banks. « C'est vous qui avez dit-il du bout des lèvres. « C'est moi qui ai, » répondit Banks. « Ne m'a-t-on pas dit que c'était une fantaisie du défunt Raja de Bhoutan ?» Banks fit de la tête un signe affirmatif. « À quoi bon ?» reprit sa hôtesse, en haussant impoliment les épaules. « À quoi bon se faire traîner par une mécanique lorsqu'on a des éléphants de chair et d'os à son service ?»« C'est que, probablement, » répondit Banks, « cet éléphant est plus puissant que tous ceux dont le défunt Raja faisait usage. »« Oh !» fit Guru Singh en avançant dédaigneusement la bouche. « Plus puissant ?»« Infiniment plus !» répondit Banks. « Pas un des vôtres, » dit alors le capitaine Hod, à qui ses façons déplaisaient souverainement. « Pas un des vôtres ne serait capable de lui faire bouger une patte à cet éléphant-là, s'il ne le voulait pas. « Vous dites ?» fit le prince. « Mon ami affirme, » répliqua l'ingénieur, « et j'affirme après lui, que cet animal artificiel pourrait résister à l'attraction de 10 couples de chevaux, et que vos 3 éléphants, attelés ensemble, ne parviendraient pas à le faire reculer d'une semelle. « Je n'en crois absolument rien, » répondit le prince. « Vous avez tort de n'en croire absolument rien, » répondit le capitaine Hod. « Et lorsque votre hôtesse voudra y mettre le prix, » ajouta Banks, « je m'engage à lui en fournir un qui aura la force de 20 éléphants choisis parmi les meilleurs de ses écuries. »« Cela se dit, » répliqua très sèchement Guru Singh, « et cela se fait, » répondit Banks. Le prince commençait à s'animer. On voyait qu'il ne supportait pas facilement la contradiction. « On pourrait faire l'expérience ici même, » dit-il après un instant de réflexion. « On le peut, » répondit l'ingénieur. « Et même, » ajouta le prince Guru Singh, « faire de cette expérience l'objet d'un pari considérable. À moins que vous ne reculiez devant la crainte de le perdre, comme reculerait votre éléphant sans doute s'il avait à lutter avec les miens. Géant d'acier, reculer ! » s'écria le capitaine Hod. « Qui ose prétendre que géant d'acier reculerait ?»« Moi, » répondit Guru Singh. « Et que parierait votre hôtesse ?» demanda l'ingénieur en se croisant les bras. « 4 000 roupies, » répondit le prince. « Si vous aviez 4 000 roupies à perdre, cela faisait environ 10 000 francs. L'enjeu était considérable, et je vis bien que Banks, quelque confiance qu'il eût, ne se souciait guère de risquer une pareille somme. Le capitaine Hod, lui, en eût tenu le double, si sa modeste solde le lui eût permis. « Vous refusez ?» dit alors sa hôtesse, pour laquelle 4 000 roupies représentaient à peine le prix d'une fantaisie passagère. « Vous craignez de risquer 4 000 roupies ?»« Tenu !» dit le colonel Munro, qui venait de s'approcher et intervenait par ce seul mot qui avait bien sa valeur. « Le colonel Munro tient 4 000 roupies ?» demanda le prince Guru Singh. « Et même 10 000 !» répondit Sir Edward Munro, « si cela convient à votre hôtesse. »« Soit, » répondit Guru Singh. En vérité, cela devenait intéressant. L'ingénieur avait serré la main du colonel, comme pour le remercier de ne pas l'avoir laissé en affront devant ce dédaigneux Raja, mais ses sourcils s'étaient froncés un instant et je me demandais s'il n'avait pas trop présumé de la puissance mécanique de son appareil. Quant au capitaine Hod, il rayonnait, il se frottait les mains et s'avançant vers l'éléphant. « Attention, géant d'acier » s'écria-t-il, « il s'agit de travailler pour l'honneur de notre vieille Angleterre. » Tous nos gens s'étaient rangés sur un des côtés de la route. Une centaine d'hindous avaient quitté le campement du sérail et accouraient pour assister à la lutte qui se préparait. Banks nous avait quittés pour monter dans la tourelle près de Store, qui, par un tirage artificiel, activait le foyer en lançant un jet de vapeur à travers la trompe du géant d'acier. Pendant ce temps, sur un signe du prince Guru Singh, quelques-uns de ses serviteurs étaient allés au sérail et ramenaient les 3 éléphants débarrassés de tout leur attirail de voyage. C'étaient 3 magnifiques bêtes, originaires du Bengale et d'une taille plus élevée que celle de leurs congénères de l'Inde méridionale. Ces superbes animaux, dans toute la force de l'âge, ne laissèrent pas de m'inspirer une sorte d'inquiétude. Les mahouts, juchés sur leur énorme cou, les dirigeaient de la main et les excitaient de la voix. Lorsque ces éléphants passèrent devant sa hôtesse, le plus grand des 3, un véritable géant de l'espèce, s'arrêta, fléchit les genoux, releva sa trompe et salua le prince en courtisant bien stylé qu'il était. Puis, ses 2 compagnons et lui s'approchèrent de géants d'acier, qu'ils semblaient regarder avec un étonnement mêlé de quelque effroi. 2 fortes chaînes de fer furent alors fixées sur le bâti du tendeur, aux barres d'attelage que cachait l'arrière-train de notre éléphant. J'avoue que le cœur me battait. Le capitaine Hod, lui, dévorait sa moustache et ne pouvait rester en place. Quant au colonel Munro, il était aussi calme, je dirais même plus calme, que le prince Guru Singh. « Nous sommes prêts, » dit l'ingénieur, « quand il plaira à sa hôtesse. »« Il me plaît, » répondit le prince. Guru Singh fit un signe, les Mahouts poussèrent un sifflement particulier, et les trois éléphants, arc-boutant sur le sol leurs jambes puissantes, tirèrent avec un parfait ensemble. La machine commença à reculer de quelques pas. Un cri m'échappa, Hoth frappa du pied. « Cale les roues !» dit simplement l'ingénieur en se retournant vers le mécanicien. Et d'un coup rapide, qui fut suivi d'un hennissement de vapeur, le sabotage atmosphérique fut appliqué instantanément. Le géant d'acier s'arrêta et ne bougea plus. Les Mahouts excitèrent les trois éléphants qui, les muscles tendus, firent un nouvel effort. Ce fut inutile, notre éléphant semblait être enraciné au sol. Le prince Guru Singh se mordit les lèvres jusqu'au sang. Le capitaine Hoth battit des mains. « En avant !» cria Banks. « Oui, en avant !» répéta le capitaine. « En avant !» Le régulateur fut ouvert en grand. De grosses volutes de vapeur s'échappèrent coup sur coup de la trompe. Les roues décalées tournèrent lentement en mordant le macadam de la route. Et voilà les trois éléphants, malgré leur résistance effroyable, entraînés à reculons en creusant dans le sol de profondes ornières. « Go ahead ! Go ahead !» hurlait le capitaine Hoth. Et le géant d'acier, allant toujours de l'avant, les trois énormes animaux tombèrent sur le flanc et furent traînés pendant une vingtaine de pas sans que notre éléphant parût même s'en apercevoir. « Hurrah ! Hurrah ! » criait le capitaine Hoth, qui n'était plus maître de lui. « On peut joindre à ces éléphants tout le sérail de sa hôtesse. Cela ne pèsera pas plus qu'une guigne à notre géant d'acier. » Le colonel Munro fit un signe de la main, Banks ferma le régulateur et l'appareil s'arrêta. Rien de plus piteux à voir que les trois éléphants de sa hôtesse, la trompe affolée, les pattes en l'air, qui s'agitaient comme de gigantesques scarabées renversés sur le dos. Quant au prince, non moins irrité que honteux, il était parti, sans même attendre la fin de l'expérience. Les trois éléphants furent alors dételés. Ils se relevèrent, très visiblement humiliés de leur défaite. Lorsqu'ils repassèrent devant le géant d'acier, le plus grand, en dépit de son cornac, ne put s'empêcher de fléchir le genou et de saluer de la trompe comme il l'avait fait devant le prince Guru Singh. Un quart d'heure après, un hindou, le Kamdar, ou secrétaire de sa hôtesse, arrivait à notre campement et remettait au colonel un sac contenant 10 000 roupies, l'enjeu du pari perdu. Le colonel Munro prit le sac et le rejeta avec dédain. « Pour les gens de sa hôtesse, » dit-il, puis il se dirigea tranquillement vers Steam House. On ne pouvait mieux remettre à sa place le prince arrogant qui nous avait si dédaigneusement provoqués. Cependant, le géant d'acier attelé, Banks donna aussitôt le signal du départ, et au milieu d'un énorme concours d'hindous émerveillés, notre train partit à grande vitesse. Des cris le saluèrent à son passage, et bientôt nous avions perdu de vue, derrière un tournant de la route, le sérail du prince Guru Singh. Le lendemain, Steam House commença à s'élever sur les premières rampes qui relie le pays plat à la base de la frontière himalayenne. Ce ne fut qu'un jeu pour notre géant d'acier, auquel les 80 chevaux enfermés dans ses flancs avaient permis de lutter sans peine contre les 3 éléphants du prince Guru Singh. Il s'aventura donc aisément sur les routes ascendantes de cette région sans qu'il fût nécessaire de dépasser la pression normale de la vapeur. En vérité, c'était un spectacle curieux de voir le colosse, vomissant des gerbes d'étincelles, traînés avec des hennissements moins précipités mais plus expansifs, les deux chars qui s'élevaient sur le lacet des chemins. La jante rayée des roues striait le sol, dont le macadam grinçait en s'égrenant. Il faut bien l'avouer, notre pesant animal laissait après lui de profondes ornières et endommageait la route déjà détrempée par les pluies torrentielles. Quoi qu'il en soit, Steam House s'élevait peu à peu, le panorama s'élargissait en arrière, la plaine s'abaissait, et vers le sud, l'horizon, se déroulant sur un plus large périmètre, reculait à perte de vue. L'effet produit était plus sensible encore lorsque, pendant quelques heures, la route s'engageait sous les arbres d'une épaisse forêt. Quelques vastes clairières s'ouvraient-elles alors ? Comme une immense fenêtre sur la croupe de la montagne, le train s'arrêtait, un instant, si quelques mille brouillards embrumaient alors le paysage, une demi-journée, si le paysage se dessinait plus nettement au regard, et tous quatre, accoudés sur la véranda de l'arrière, nous venions longuement contempler le magnifique panorama qui se développait à nos yeux. Cette ascension, coupée par des haltes plus ou moins prolongées, suivant le cas, interrompu par les campements de nuit, ne dura pas moins de 7 jours, du 19 au 25 juin. « Avec un peu de patience, disait le capitaine Hod, notre train monterait jusqu'aux dernières cimes de l'Himalaya. » « Pas tant d'ambition, mon capitaine, répondait l'ingénieur. « Il le ferait, Banks. »« Oui, Hod, il le ferait, si la route praticable ne venait pas à lui manquer bientôt, et à la condition d'emporter du combustible qu'il ne trouverait plus à travers les glaciers, et de l'air respirable qui lui ferait défaut à 2000 toises de hauteur. Mais nous n'avons que faire de dépasser la zone habitable de l'Himalaya. Lorsque le géant d'acier aura atteint l'altitude moyenne des sanitariums, il s'arrêtera dans quelque site agréable, sur la lisière d'une forêt alpestre, au milieu d'une atmosphère rafraîchie par les courants supérieurs de l'espace. Notre ami Munro aura transporté son bungalow de Calcutta dans les montagnes du Népal, voilà tout, et nous y séjournerons tant qu'il le voudra. Ce lieu de halte, où nous devions camper pendant quelques mois, fut heureusement trouvé dans la journée du 25 juin. Depuis 48 heures, la route devenait de moins en moins praticable, soit qu'elle fût incomplètement établie, soit que les pluies l'eussent ravinée trop profondément. Le géant d'acier eut là du tirage, comme on dit vulgairement. Il en fut quitte pour dévorer un peu plus de combustible. Quelques morceaux de bois, ajoutés au foyer de Kalout, suffisaient à accroître la pression de la vapeur, mais il ne fut jamais nécessaire de charger les soupapes, dont le papillon ne laissait fuir le fluide que sous une tension de 7 atmosphères, tension qui ne fut point dépassée. Depuis 48 heures aussi, notre train s'aventurait sur un territoire à peu près désert. De bourgades ou de villages, il ne s'en rencontrait plus. À peine quelques habitations isolées, parfois une ferme, perdue dans ces grandes forêts de pins qui hérissent la croupe méridionale des contreforts. 3 ou 4 fois, de rares montagnards nous saluèrent de leurs interjections admiratives. À voir cet appareil merveilleux s'élever dans la montagne, ne devait-il pas croire que Brahma se passait la fantaisie de transporter toute une pagode sur quelque inaccessible hauteur de la frontière népalaise. Enfin, dans cette journée du 25 juin, Banks nous jeta une dernière fois le mot « halt » qui terminait cette première partie de notre voyage dans l'Inde septentrionale. Le train s'arrêtait au milieu d'une vaste clairière, près d'un torrent, dont l'eau limpide devait suffire à tous les besoins d'un campement de quelques mois. De là, le regard pouvait embrasser la plaine sur un périmètre de 50 à 60 milles. Steamhouse se trouvait alors à 325 lieues de son point de départ, à 2000 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, et au pied de ce Douala Gheri dont la cime se perdait à 25 000 pieds dans les airs.